À l'occasion des 36 ans du soulèvement populaire de Guangzhou, Londres a abrité récemment un meeting des organisations politiques et sociales progressistes britanniques, comme le Nouveau Parti communiste, l'Association d'études de la politique de Sun Gun, etc. L'orateur a souligné que le soulèvement populaire de Guangzhou a été une résistance héroïque des Sud-Coréens pour mettre un terme à la domination coloniale de l'impérialisme américain en Corée du Sud et à la dictature de la clique militaro-fasciste de Chun Doo-hwan, et pour réaliser l'indépendance, la démocratie et la réunification. Il a fait remarquer que la réalisation du vœu des résistants de Guangzhou présuppose la fin de la domination coloniale de l'impérialisme américain en Corée du Sud.